Alors nous sommes au lieu dit Confos, situé sur la commune d'Équerde. Philippe May, historien. La maison du papier a été construite sur le site de l'ancien moulin ou minoterie de Confos, qui était spécialisé dans la production de farine. Mais l'on sait que le moulin de Confos existait depuis le XVIe siècle, où l'on fabriquait à la fois de la farine et du papier. Nous sommes dans une vallée papetière depuis très très longtemps. Catherine Francomme, animatrice pédagogique à la Maison du Papier d'Équerne. Et donc on a voulu commémorer cette vallée papetière en réinstallant en fait un moulin à papier, mais de façon artisanale. Alors c'est tout simplement cette grande roue à aube. Jackie Drilla, papetier animateur à la Maison du Papier. Qui est donc entraînée par le courant de l'eau de la rivière, qui me fait tourner cet engrenage, et l'engrenage m'entraîne un cylindre. Alors sur ce cylindre, il y a des petits morceaux de bois qui dépassent, c'est ce qu'on appelle donc des cames. Et c'est donc grâce à ces cames que ces gros maillets vont donc triturer cette matière pour la broyer et la réduire en état de pâte à papier. Donc là, je vais commencer par puiser les fibres. Nous accueillons du grand public, des individuels, mais aussi des scolaires surtout. Nous avons des animations de tout type pour la découverte de l'environnement, avec la possibilité à chaque fois de mettre la main à la pâte pour fabriquer sa feuille de papier.